Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Ce qui est bien avec la télévision, c'est que l'on peut croiser ce mot, ce concept, cette invention, ce vice, que sais-je encore, avec tout et n'importe quoi, et les réponses sont toujours pertinentes, instructives. Tenez, prenez François Mauriac. François Mauriac est la télévision. Ah, cela dit, c'est facile, puisque François Mauriac fut chroniqueur de la télévision pour la presse écrite. Et vous le savez, auditeur de France Culture, auditeur estivaux et de nuit, puisque cette série fut rediffusée dans les nuits, il y eut une série en 25 épisodes signée Meryl Moneghetti sur le sujet. C'était en 2009 et en 2010 également. Et en voici la preuve, tout de suite, rediffusion des émissions de la première semaine, Élections et lanternes magiques, 1939, les revenants de l'histoire, 1940-1960, De Gaulle à Londres, que d'hommes fameux en ce monde, et rugby, être honorablement battu. Mauriac croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA. Jean-Noël Jeannonet prête sa voix à François Mauriac. Aujourd'hui, élections et lanternes magiques. La télévision est à ses débuts. C'est, pour moi, ce qui la rend si intéressante. Ceux qui l'animent n'ont pas encore eu le temps de devenir des fonctionnaires. Ils y croient. Ils inventent perpétuellement. Bonjour, l'avez-vous reconnu? C'est François Mauriac en 1959, alors tout nouveau télécritique à l'Express. Il explique à la radio pourquoi il a accepté de sacrifier ses soirées au petit écran. Et oui, et ceux de nos auditeurs qui savent que nous renouons le fil avec la série de l'été dernier se souviennent peut-être qu'il fait partie de ces écrivains journalistes qui prennent la télévision au sérieux, qui ne la méprisent pas et tentent de comprendre ce que le jeune média va apporter aux téléspectateurs et aux citoyens. Cette semaine, nous le retrouvons donc et il sera question des relations de la télévision avec la politique, avec l'histoire et avec le sport. Que de questions qui, je l'espère, vous rappelleront des débats récents. Et en août, nous irons voir du côté d'André Bazin, puis d'Emmanuel Berle, de Maurice Clavel et enfin de Serge Danet pour redécouvrir des années 50 aux années 80, soyons fous, tout ce qui a passionné et agité le PAF. Et tout de suite, car nous avons vécu des élections et que la grande course à l'Élysée est lancée, méditons avec François Mauriac sur l'impératif de l'image pour les politiques et retrouvons celui qui se voulut un précurseur de la communication moderne. La vie gouvernementale, ça n'est pas la vie professionnelle ordinaire. En réalité, personne n'est propriétaire du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères ou du ministère des Armées. On exerce une fonction. Ou plus exactement, même, on sert une politique. Et au fond, pour moi, mon départ a été l'occasion de mesurer le point auquel j'étais attaché plus à la politique qu'à la fonction. Depuis deux ans et demi, dans des conditions d'ailleurs difficiles, en ayant à demander, je le sais parfaitement, des efforts et des sacrifices, je m'étais attaché à cette politique. Et ce qui compte pour moi aujourd'hui, ça n'est pas d'évoquer le regret du départ, c'est en réalité de réfléchir au sens et à l'avenir de cette politique. C'était Valéry Giscard d'Estaing après son départ du ministère des Finances dans le magazine Face à Face le 15 février 1966. Mauriac le croque un an plus tard pendant la campagne des législatives. Bloc-notes, le Figaro littéraire, dimanche 26 février 1967. Élection. C'est le temps où il est permis d'être Saint-Jean Bouche d'or. Je demande d'avance, et je m'accorde à moi-même, l'absolution pour ce qui, en un autre moment, offenserait la charité. Nous vivons dans un temps où la technique rejoint la magie. L'écran de la télévision, c'est la lanterne magique qui enchantait autrefois le petit Proust et aussi le petit Mauriac. Sauf que ce n'est plus Riquet à la houppe, ni la Belle et la Bête qui nous visitent à domicile, mais les candidats à la députation dont aucun n'est la Bête et dont l'un au moins se trouve beau. On ne se lasse pas de les observer dans le miroir magique où chacun d'eux croit ne montrer de lui-même que ce qui le rend irrésistible. Ils ont exercé leur voix, écouté les critiques des amis et des ennemis et même peint et orné leur visage comme des Jézabels. Celui qui souriait trop a maintenant la bouche serrée d'un maître de cérémonie de chez Borgnol ou du traître de l'ancien mélodrame qui dit à la cantonade « dissimulons ». Valéry Giscard d'Estaing, lui, est un autre monsieur. Si étudié que soit son numéro, il atteint sans effort apparent au naturel. Le plus jeune ministre des Finances de tous les temps, est obligé de ralentir, de faire du surplace pour ne pas arriver trop tôt, pour ne pas être obligé de s'asseoir sur les marches du perron de l'Élysée. Que c'est beau à voir, l'héritier d'une grande dynastie bourgeoise. Les téléspectateurs et les téléspectatrices n'épuisent pas ce bonheur départi à tous d'être heureux par procuration. La chance de quelques-uns féconde le rêve de beaucoup. Nous ne pouvons pas tous être ministres des Finances à 40 ans, ni placer dès ce moment-là comme une belle locomotive bien huilée du salon de l'enfance sur la voie dont le terminus se trouve faubourg Saint-Honoré. Mais nous pouvons tous rêver que nous y roulons nous-mêmes. Comme disait Léon-Paul Fargue, « Dieu tient à d'autres le bonheur qu'il nous avait promis. » François Mauriac. C'était Mauriac croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Ariane Herbert et Pascal Baronzelli. Mauriac croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Jean-Noël Jeannenet prête sa voix à François Mauriac. Aujourd'hui, 39-40, les revenants de l'histoire. À Notre-Dame, en présence de M. Édouard Daladier et de M. Paul Reynaud, président du Conseil, le peuple de Paris a fait retentir les voûtes de Notre-Dame de ses prières ardentes pour la victoire. Bonjour, nous voici aujourd'hui en mai 1940. Le service cinématographique des armées livre le récit du drame qui se joue. Le désarroi est tel à ce moment-là que les membres du gouvernement d'un État laïque sont allés prier à Notre-Dame le 19 mai. Peut-être avez-vous vu les images de la drôle de guerre et réentendu De Gaulle depuis Londres à l'occasion des différentes commémorations qui marquent en Europe le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre et celui de l'appel du 18 juin. Quel rapport tisse la télévision avec l'histoire et comment recevons-nous ces émissions alors que les derniers témoins disparaissent ? 20 ans après les tragiques événements, tandis que Frédéric Rossif revient sur 39-40 à travers sa série Le magazine du temps passé pour une autre commémoration, François Mauriac note le 14 janvier 1960 « Il y a des cercles de notre enfer où la télévision sans cesse nous fait redescendre et je ne dis point qu'elle est tort mais je ne la suis qu'en renaclant. » Il entre dans cette paresse du souvenir, le refus de revivre une période sinistre dont le pire en 1939 nous restait encore à subir. Il suit cependant ses émissions et s'interroge sur le rôle des hommes et sur leurs témoignages, ainsi Paul Reynaud. Le président Paul Reynaud a fait appel au général Végan, qui a été fait par décret chef d'état-major général de la Défense nationale et commandant en chef de l'ensemble des théâtres d'opération. Un précédent décret avait nommé le maréchal Pétain ministre d'État et vice-président du Conseil. Cette collaboration symbolise pour la France et le monde la volonté de résistance et de victoire. On les aura, avait dit le grand chef de Verdun. Cette parole demeure. Paul Reynaud a pris la présidence du Conseil en mars 1940 jusqu'à sa démission 3 mois plus tard, le 16 juin. L'ensemble de sa carrière est occulté par ce passage de quelques mois à la tête du gouvernement et reste associé au désastre. L'Express, 10 décembre 1959. Ces morts qui reviennent sur le petit écran et qui reviennent chez nous, qui parlent familièrement même si nous ne les avons pas connus, c'est le miracle propre à la télévision, c'est son mystère. J'ai revu une fois encore Gérard Philippe, mais il y a d'autres revenants. Ils remontent non des ténèbres de la mort, mais de celles de l'histoire. Certains des protagonistes oubliés viennent dire aux téléspectateurs ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qui s'est fait malgré eux, et chacun de répéter « Nous n'avons pas voulu cela ». Voici M. Paul Reynaud. Les hommes politiques traînent les boulets de certaines paroles qu'ils ont dites. Ainsi, Émile Ollivier, qui déclara la guerre de 1870 d'un cœur léger. Il n'a pas eu assez de toute sa longue vie pour expliquer ce « d'un cœur léger ». M. Paul Reynaud traîne à la vérité deux boulets moins lourds. Il a dit « la route du fer est coupée » et il a dit « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » et il s'est expliqué là-dessus « le mieux du monde ». À mon avis, il n'a aucune raison de chercher des excuses à « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». En plein désastre, le général de Gaulle à la radio de Londres n'a rien dit d'autre. Et l'histoire l'a justifié. Nous avons été, finalement, les plus forts. J'ai entendu de mes oreilles, chez André Mauroy, quelques jours avant le désastre, Mandel prononcer la parole fameuse « De catastrophe en catastrophe, nous arriverons à la victoire finale ». N'empêche qu'il y eut des responsabilités immédiates. On aime beaucoup à la télévision revenir sur la drôle de guerre. Deux émissions, cette semaine, lui ont été consacrées, et même trois. Un masochiste se cache dans l'équipe des programmes. Il se délecte à nous faire voir les troupiers français de 1939, débraillés et rigoleurs autour de Maurice Chevalier, qui, le canotier en bataille, leur chante, et tout ça, ça fait d'excellents soldats qui marchent au pas et immédiatement après, Hitler surgit sur le petit écran. Les légions nazies défilent à leurs pas, elles aussi, qui n'est pas celui de Maurice Chevalier. La voix du Führer retentit, qui nous glace encore le sang. Mais notre masochiste va plus loin. Il fait comparaître des témoins de la drôle de guerre qui ont vu ceci et cela et qui nous enferment dans une alternative où nous étions trahis, où les généraux étaient d'effrayants imbéciles. Au choix, François Mauriac. C'était Mauriac croque la télé, série de Mérine Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Ariane Herbert et Pascal Baronzelli. Mauriac croque la télé, série d'été de Mérine Moneghetti en partenariat avec Lina, Jean-Noël Jeannonet prête sa voix à François Mauriac. Aujourd'hui, 1940-1960, De Gaulle à Londres. Monsieur le Président, I have the honor. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous accueillir au nom des membres de la Chambre des communes. L'Express, 14 avril 1960. De Gaulle à Londres. Quel téléspectateur n'a été étonné de ce qu'il a vu? La dernière vieille monarchie qui subsiste au monde a fait défiler en notre honneur ses vieux carrosses, ses vieilles têtes à perruques et ses soldats de parade, vrais corps de ballet. Bonjour. Eh oui, le speaker de la Chambre des communes, Sir Harry Hilton Foster, qui s'adresse à De Gaulle le 7 avril 1960, porte perruque. Et je vous invite à retrouver ces savoureuses images sur le site de l'INA. Le général De Gaulle est alors en voyage officiel en Grande-Bretagne entre le 5 et le 8 avril. Dans son discours à Westminster Hall, au-delà des souvenirs des combats communs, de l'hommage à Churchill et de l'amitié entre les deux fières nations, il défend sa politique nucléaire, le rapprochement franco-allemand dans le cadre de la construction européenne, et il critique l'atlantisme britannique. Si François Mauriac est sensible au beau spectacle et à l'émotion du moment, il est également attentif aux enjeux du voyage et du discours. Je vous laisse imaginer comment il aurait commenté la visite à Londres de Nicolas Sarkozy à l'occasion du 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, célébrant à la fois De Gaulle et Churchill dans le contexte de cette terrible crise économique qui met au défi l'Union européenne et qui rend plus que nécessaire la coopération politique avec les Anglais et les Allemands en particulier. Mais avant de vous laisser aux joies des méditations sur le sens de tous ces événements, retrouvons le discours du général De Gaulle à la Chambre des communes le 7 avril 1960. Monsieur le Lord Chancelier, Monsieur le Speaker, je vous remercie des nobles paroles que vous venez de prononcer à travers la personne du Président de la République française. C'est à la France que vous les adressiez. Il semble bien, en effet, que la visite que je rends à la Grande-Bretagne sur la gracieuse invitation de Sa Majesté la Reine, n'est pas seulement un épisode émouvant des rapports entre nos États, mais en quelque sorte une rencontre de nos peuples. Cette rencontre se traduit, du côté français, par un hommage que la France veut vous rendre. L'homme qu'elle en a chargé se trouve être le même qui eut l'honneur, naguère, de la conduire aux côtés de l'Angleterre, quand celle-ci, héroïque et solitaire, assuma la liberté du monde. Quel spectacle! Il faut des siècles pour atteindre cette perfection. Que la reine d'Angleterre ressemble si peu à l'idée que nous nous faisons d'une reine apparaît ici comme un suprême raffinement. Quant à De Gaulle, vous pouvez vous moquer de l'idée qu'il a de la grandeur, mais cette idée, il l'incarne sous nos yeux, il nous oblige et il oblige le monde entier à y croire tant qu'il est là. À travers une figuration fastueuse, nous suivions le jeu compliqué de la mésentente cordiale des rapports franco-anglais. À Westminster, ce chef gaulois qui s'adressait en français au peuple anglais aurait pu dire « Moi, la France, sans faire sourire personne, car il l'était vraiment. La France de l'histoire, mais aussi celle d'aujourd'hui, sortie de cet abîme, dont le premier, lui, de Gaulle, l'a fait remonter. Ceux des téléspectateurs qui ont de l'affection pour lui, je suis de ceux-là, quelle joie ils eurent à imaginer ce que le général ressentait à Carlton Gardens, où nous l'avons retrouvé avec l'association des Français libres au lieu même de son combat solitaire durant les sombres années. Sans doute remerciait-il dans son cœur tous les saints de France, mais sans céder à l'orgueil. Il sait qu'en politique, rien n'est jamais gagné, que le malheur est toujours aux portes et que les patries aussi sont mortelles. François Mauriac. C'était Mauriac croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Ariane Herbert et Pascal Baronzelli. Mauriac croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, en partenariat avec Lina, Jean-Noël Jeannonnet prête sa voix à François Mauriac. Aujourd'hui, que d'hommes fameux en ce monde. Bonjour. Vous souvenez-vous de cette illustre phrase de La Bruyère ? Combien d'hommes admirables et qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé ? Combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais ? François Mauriac adore adapter cette citation à propos de la façon dont la télévision fait sortir du néant de remarquables inconnus, là des candidats à un jeu, ici un entraîneur de football. L'écrivain journaliste n'ayant pas la culture du ballon rond, on lui pardonnera de prendre le mythique Elenio Herrera, heureux entraîneur de l'équipe de France, de la sélection espagnole et surtout de l'Inter de Milan pour un inconnu. Celui qu'on surnomme Il Mago a la réputation d'être un entraîneur à poigne, adepte de l'ascétisme et du moralisme, comme le rappelle l'historien Paul Dietschi. Menant ses hommes à la baguette, la préparation est également psychologique, des slogans exhortant les joueurs sont affichés dans les vestiaires. Classe plus préparation, athlétisme plus intelligence égale championnat. Et c'est avec lui que le métier d'entraîneur se trouve dès lors fort bien rémunéré. L'homme est aussi controversé, comme le rappelle Robert Chapat dans son portrait pour les coulisses de l'exploit le 21 novembre 1962. Herrera, ce personnage hors du commun, divise un pays en deux camps. Dans l'un, on répète qu'il est un mystificateur, un homme qui ne vaut que par son sens de l'autorité. Dans l'autre, on dit de lui qu'il est un mage, un sorcier. Avec vénération, on l'appelle Monsieur Calcio. Tous ses gestes sont passés au crible, et ceux qu'il enseigne ou recommande à ses joueurs sont loin de faire l'approbation générale, car même ici, Herrera a des notions particulières. Ce qu'il cherche avant tout, c'est donner à ses joueurs un automatisme parfait. Des vedettes actuelles de l'Inter, aucune ne rechigne à la besogne et, à l'appel de leur nom, Suarez, Jair, Machkio, Bicicli, Di Giacomo, une ligne d'avant qui vaut 1,5 milliard de lire, mitraille avec des ballons alourdis, le gardien de but désigné. Soumis 2 heures à ce régime infernal, De Vincenzo rentrera épuisé au vestiaire, mais, si Herrera le demande, demain il recommencera. Le Figaro littéraire, 1er décembre 1962. Les coulisses de l'exploit, Raymond Marcillac. Que d'hommes fameux en ce monde dont la gloire nous est inconnue. Tel cet Elenio Herrera, appelé familièrement HH, en Italie et en Espagne. Entraîneur à qui les clubs de football font des ponts d'or adorés et exécrés. Nous le voyons ici, entraînant son équipe. Il règne sur ses athlètes, les dresse comme des fox terriers, comme des caniches. C'est le balai le plus beau qu'on puisse rêver. Nous le voyons aussi au jour de l'épreuve, impassible sous les huées et sous les acclamations d'une foule immense. Cette semaine-là, la télévision fait le grand écart entre les foules immenses et les œuvres d'avant-garde qu'elle rejette déjà en deuxième partie de soirée. À la grande surprise de Mauriac, les chaises de Ionesco passent mieux au petit écran qu'à la scène, il s'en explique. On a attendu que les campagnards, qui se couchent avec les poules, celles de leur poulailler, fussent couchés 22h35 pour nous présenter les chaises de Ionesco. Eh bien, on a eu tort. Le téléspectateur moyen, incapable d'entrer dans les intentions cachées d'un auteur comme celui-là, aurait pu se plaire aux données immédiates de ce spectacle. Ionesco a raison de penser qu'il rejoint les classiques et même dans les chaises la tragédie des grands anciens. L'histoire de ce couple nonagénaire, pris de vertige à l'extrême bord du néant, fou, à la lettre de solitude et comme brûlé par le retour de flamme d'une pauvre vie ratée, n'aura certes pas été desservi par le petit écran. Je ne sais si Roger Iglesias mérite les reproches qu'on lui a adressés ici et là, j'ai trouvé quant à moi que grâce à lui, le réel et le rêve se conjuguent mieux sur l'écran qu'à la scène. Les deux interprètes, Jacques Mauclair et Tzila Shelton, obéissent à un temps rapide qui les entraîne dans une sorte de mouvement giratoire hallucinant. Ah non, non, le Ionesco des chaises n'est pas un auteur comique, c'est une tragédie sans destin où le malheur humain n'est plus voulu par personne. François Mauriac. C'était Mauriac croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Ariane Herbert et Pascal Baronzelli. Mauriac croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, en partenariat avec l'INA. Jean-Noël Jeannonet prête sa voix à François Mauriac. Aujourd'hui, rugby, être honorablement battu. Bonjour, le sport et la politique font-ils bon ménage? Certains se sont posé la question lors du feuilleton fou des Bleus en Afrique du Sud. Mariage de raison ou passion sur le mode, ni avec toi, ni sans toi. Largement diffusé, le sport est devenu, comme le rappelle l'historien Georges Vigarello, toujours plus convoité par les faiseurs d'opinion, support attirant messages ou propagande. Du côté des institutions sportives, l'appui des politiques a été recherché en France pour légitimer les compétitions, trouver des fonds, des moyens et des stades. Dès 1927, Gaston Doumergue instaure la présence du président de la République à la Coupe de France de football en un temps où le rituel républicain et sportif consacre les valeurs méritocratiques du temps. La France des années 1960, c'est la Bérésina des JO de Rome. Et un Maurice Herzog, haut commissaire à la jeunesse et au sport, venu s'expliquer devant les caméras de 5 colonnes à la une sur les échecs de l'équipe de France et sur l'enquête en cours. Soutenu par le général de Gaulle, soucieux de redonner au pays une meilleure place, le haut commissaire sera un des animateurs du renouveau sportif en France, concernant la formation, l'encadrement, le développement des structures et d'institutions performantes, dont témoigne enfin la réussite des JO d'hiver de Grenoble en 1968. Pour veiller aux destinées de Bordeaux, ville méridionale, il fallait sans doute un rugbyman. Or, il y a 18 ans, Chaban-Delmas était trois carrels de la sélection française qui rencontrait la Royal Air Force. Il n'est plus question pour lui de disputer des matchs, mais il aime, quand il en a l'occasion, taquiner encore le ballon ovale. Quand on aime le sport, on ne peut plus s'en passer. Mais quelle place doit-il occuper dans une nation moderne? Le sport permet de façonner les caractères. Dans un sport individuel, le courage est développé au maximum. Et dans les sports d'équipe, l'esprit de solidarité. Il serait très important que dans toutes les nations, dans tous les États modernes, la population tout entière, depuis sa jeunesse, fut formée sportivement, ce qui finirait bien par gagner le sommet, si je puis dire. Enfin, je pense m'être fait comprendre. C'était Jacques Chaban-Delmas qui voit loin le 18 avril 1962 dans les coulisses de l'exploit. En avril 1963, les rugbymen prennent la pâtée, Roger Coudert a le moral en berne, tandis que François Mauriac réclame de perdre avec panache. Le Figaro littéraire, 13 avril 1963. Eurovision, jeu à 13, Grande-Bretagne, France. Je veux bien être battu en petit comité, mais pas écrasé, ni mis en bouillie, devant 60 millions de téléspectateurs. Je me résigne, vieux rat de bibliothèque, à me laisser casser les pattes durant toute la semaine et surtout le dimanche par les comptes rendus détaillés de tous les matchs, de toutes les équipes, de tous les chefs-lieux de canton et de voir le petit écran transformé en un palmarès illisible pour les non-initiés. Tant que ce sont les Français qui rossent les Français, j'attends que ce soit fini et j'envoie ma bénédiction à cette belle jeunesse. Mais si je consens à l'ennui, je ne consens pas à la honte. Que la Grande-Bretagne à Wigan surclasse l'équipe de France, je le veux bien. Mais cette défaite, 42 à 4, c'est Azincourt, Trafalgar et Waterloo mis bout à bout. Et cela à la face du prolétariat européen, dressé à voir dans le sport la pierre de touche pour juger d'un peuple. Comme dit le général de Gaulle, je ne peux pas être partout. Ce fut une pile si magistrale que même les vainqueurs se taisaient. C'est la première fois que j'observe ce phénomène. De cette foule immense d'Anglais triomphants, pas un cri ne montait, à moins qu'on ait coupé le son. et nous n'entendions, dans le silence de la honte, que le pauvre speaker français, le Marius, qui nous assourdit d'habitude par la volubilité professionnelle de son enthousiasme. Mais ce n'était plus ce soir-là qu'un pauvre coq, enroué, la plume hérissée et le panache en berne. Qu'on nous épargne ces tripotés à l'échelle de l'Europe. Si j'en crois mon quotidien habituel, nous avions envoyé à Wigan une équipe de fortune. Vraiment ? Quels sont les responsables de cette fortune-là ? Avant de prétendre à l'Eurovision, il y aurait, il me semble, une première science à acquérir, celle d'être honorablement battu. François Mauriac. C'était Mauriac croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Ariane Herbert et Pascal Baronzelli. Lala. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture du 26 au 30 juillet 2010. À suivre.